Maintenant, continuons la conversation à la librairie. Voulez-vous téléphoner à l'hôtel ? Merci, monsieur, mais j'ai mon portable avec moi. Et maintenant, le numéro de l'hôtel. Oh non ! Pardon, monsieur, je n'ai pas le numéro. Est-ce que vous avez l'annuaire ? Ce n'est pas nécessaire. J'ai le Minitel. Ah oui ? Bien sûr, madame. Je suis très moderne. Attendez un instant. Dites, qu'est-ce que c'est le nom de votre hôtel ? Hôtel des Vosges, dans le 4e, je crois. Ah, voilà !